autour de nous. La reconnaissance est quelque chose que Dieu attend de tout son cœur. Alors nous allons remercier Dieu. Remercions le Seigneur pour les exaucements multiples qu'il a déjà déployés. Voici la preuve. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix qui a rendu tout ceci possible. Nous sommes devenus tes bien-aimés au travers de ta mort. Nous sommes devenus tes bien-aimés. Nous sommes devenus tes bien-aimés. Merci Jésus. Merci pour ce privilège. Merci pour ta grâce. Merci pour ces exaucements. Nous sommes exaucés. Tu m'as exaucé. Jusqu'ici, tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et comme tu m'as exaucé, tu m'exauceras encore. Tu m'exauceras encore. Tu l'as fait. Tu vas encore le faire. Tu m'as exaucé. Tu vas encore m'exaucer. Tu m'as sauvé. Tu vas encore me sauver. Tu m'as guéri. Tu vas encore me guérir. Tu m'as délivré. Tu vas encore me délivrer. Tu m'as libéré. Tu vas ajouter d'autres. Gloire à toi. Puissance à toi. Magnificence à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Ok, on les laisse là. Toi, tu es maitaji pale mbele ya mazabahu. On va les amener plus tard. Alors demain, dis-moi ce soir, pense à 2019 et écris ce que tu voudrais voir Dieu réaliser dans ta vie. Qu'il se hâte de le faire. Et ma prière est qu'avant le 31 décembre de cette année, le reste de ces requêtes soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Il l'a fait, il veut encore le faire. J'aurais bien voulu inviter deux ou trois personnes pour nous partager une ou deux témoignages de ce que nous venons d'exprimer ici. Mais pour question de temps, on pourra faire cela demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il nous restait le septième, la septième catégorie de personnes qui ont besoin d'entrer dans ce programme. Nous avons vu que la première personne, c'est celui qui termine l'année très bien, qui est content et qui est reconnaissant et qui veut que Dieu fasse plus. La deuxième personne, nous avons vu que c'est cette personne qui est dépassée. Mais qui se dit, je ne suis même pas digne de lever la tête devant Dieu. Mais qui a droit à venir à la grâce. La troisième, c'est cette personne qui passe par des situations délicates et qui fait des efforts, mais qui sent que ses efforts sont vains. La quatrième personne, nous avons vu, c'est cet Archois qui a l'impression d'avoir raté son nouveau départ, mais qui voudrait dire mieux vaut tard que jamais. La cinquième personne, c'est celui-là qui ne connaît pas Dieu, et qui a en fait besoin de saisir cette opportunité pour connaître Dieu et venir à la grâce. Sa sixième personne, cette personne qui a cru à toutes les paroles qui ont été prononcées et annoncées, qui a même obéi à ces paroles et qui n'a pas encore été exaucé et qui voudrait venir aussi à la grâce pour dire: Seigneur, il n'y a pas de raison pour que je sois, que je ne sois pas exaucé, mais voici devant le trône de la grâce. Et la septième personne, c'est un enfant de Dieu, c'est ce qu'on n'avait pas vu hier. Un enfant de Dieu qui est digne et qui est en ordre avec Dieu, il est même en alliance avec Dieu, mais qui se dit: Seigneur, j'ai déjà vu beaucoup de choses dans ma vie faites par toi. Il y a des choses naturelles qui se font, il y a des réussites, il y a des choses simples qui se font, mais j'ai toujours appris que tu agis aussi en surnaturel. Tu agis aussi en surnaturel. J'aimerais le vivre. Na mimi ningelitaka unitendee kwa hali isiyo kawaida. Seigneur, j'aimerais le vivre. Na mimi niishi matendo yako yasiyo kawaida. Dans Juges chapitre 6 verset 12 à 13. Katika Waamuzi 6 13. Le jeune Gédéon, kijana Gideon, est en train de souffrir. Amekuwa mwenye mateso différemment des autres jeunes de son temps. Les autres jeunes de ce temps sont juste des jeunes, ils subissent les choses, ils vivent avec tout le monde. C'est le temps d'aller se cacher, on va se cacher. C'est le temps d'aller planter, ils vont planter. C'est le temps d'être pillés, ils sont pillés. Et la vie continue. Et puis une année, deux ans, trois ans, six ans. Finalement, la septième année, il y a un jeune homme, je crois dans tous les pays, qui réfléchit différemment, qui dit: nos grands-pères nous racontent des choses. Ils nous disent que nos grands-pères ont vécu des miracles en Égypte. Le Dieu d'Abraham s'est manifesté de manière extraordinaire. Ces dieux-là les a même fait passer par la mer Rouge à sec. Où est ce Dieu-là? Ce Dieu est parti où? La différence avec Gédéon, c'est que pendant que les autres étaient juste, ils étaient juste oisifs, ils étaient juste irresponsables, indifférents. Gédéon pensait au miracle. Alors viens dans ce programme en pensant au miracle. Si les logiques des hommes ne pourront pas t'aider, n'ont pas pu t'aider, et n'ont pas pu t'aider, si la science t'a déjà cloué au sol, t'as cloué au sol pour dire c'est impossible, que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de solution, viens comme Gédéon. Commence à ruminer dans ton cœur durant ce programme et de dire: Seigneur, où sont tous ces miracles que nous lisons dans la Bible? Et si tu n'as pas vu quelqu'un le vivre ici dans ta génération, réfère-toi-même à la Bible et prie comme Gédéon. Dites: oh Dieu, as fait ce genre de choses. Nous lisons que des paralytiques se sont levés. Nous lisons que des gens qui étaient courbés ont été relevés. Nous lisons que des morts ont ressuscité. Il y a des choses mortes dans mon corps. Et la science dit que c'est impossible. La science dit que c'est perdu. Dieu, je viens dans la piscine de la grâce. Librement, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je décide de croire que comme les hommes, la science ne pourra rien faire, moi je décide de croire que toi tu vas faire. Verset 20, Ephésiens 3. Il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou attendons. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou attendre. Dieu, je suis dans ce programme. Tu peux faire infiniment au-delà de ce que les hommes peuvent faire, de ce que les hommes peuvent proposer. Je veux croire au miracle. J'attends mon miracle. Et que Dieu t'accorde ton miracle durant ce programme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un croit au miracle? Je, watoto wa Mungu tuanze kuamini miujiza. Panda muimani amini muujiza. Panda muimani amini muujiza. Alléluia. Amen. Alors voilà cette catégorie de personnes qui sont dans ce programme. Aina saba ya watu ambao wanahusika na umpango. Demande au voisin, tu es dans uliza quel cas? Jirani ushapata kwenye uko. Tu es dans quel cas? Je, ushapatikana kwenye ufasi yako. Quel est ton cas? Au yako haijafika. Quel est ton cas? Il a répondu quoi? Nasikia papa yema anasema mimi niko mwaya saba. Hii ya mwisho ndio yangu. Niko sikia papa yako anasema pale. Hii ya saba. Hii ya saba hiyo nangojea muujiza. Que Dieu te le donne. Bwana kupe muujiza na Kongo mimi naiombea muujiza. Amen. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Alors vous êtes prêts au père aller? Je, tuko tayari tunaweza kuwasha machine. Vous êtes prêts? Tuko tayari ku décollage. Allons dans Ephésiens dans notre tunaenda thème. Tunaenda ndani ya Efeso katika usomi wetu. Allons dans notre thème. Je voudrais parler rapidement un peu et puis on va prier. Tutakuwa na usemi kwa mfupi na kuomba. Je crois qu'on va continuer avec beaucoup de matière qu'on a préparé jusqu'à on va continuer, on va pas on va avoir le temps de prier. Tutapata muda wa kuomba. Je voulais ce soir que chacun de nous, parce que nous étions en train d'introduire notre thème et notre programme, vous savez, il est difficile d'avancer dans quelque chose que tu ne comprends pas. Quand tu t'engages dans une affaire que tu ne comprends pas, tu ne vas pas aller loin. Mais lorsque nous comprenons ce que nous voulons faire, alors contre vents et marées, nous tenons ferme et nous arrivons à destination. Allons ensemble. Ephésiens 3:20. C'est là qu'est tiré notre thème. Et nous voulons essayer de comprendre ce thème. Afin quand nous allons commencer à rentrer dans les différents chapitres, katika vipengele mbalimbali, chacun aura déjà compris nous sommes dans quoi. Atakuwa ameelewa mstari gani tumeingia ndani. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit. Apo imeandikwa. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous ai expliqué avant-hier que le Saint-Esprit a dit Amen à cette écriture pour dire que le Saint-Esprit est d'accord avec ce qui est dit. Il a dit Amen. Maintenant, quels sont les phares ou les lampes qui éclaire notre compréhension sur le thème? Le premier phare, le voici. J'ai tiré 8 phares dans la compréhension de ce verset. Et je vais vous les énumérer rapidement. Le premier phare est le suivant. Ya kwanza ni ohi. À celui qui peut faire. Kwa yule anayeweza kutenda. Deuxième phare. Tala ya pili. Par la puissance qui agit en nous. Kwa nguvu zinazotenda ndani yetu. Troisième phare. Ya tatu. Infiniment au-delà. Zaidi ya yale. Quatrième phare, ce que nous demandons ou pensons. Cinquième phare, à lui la gloire dans l'Église. Six, à lui la gloire en Jésus-Christ. Sept, à lui la gloire dans toutes les générations. Et huit, à lui la gloire, le long de tous les siècles, ou dans chaque siècle. Buonasifiwe. Amen. Commençons après avec le premier phare. Buonasifiwe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? À celui qui peut faire. Kwa yule anayeweza kutenda. Qui peut faire? Nani anayeweza kutenda? À celui qui peut faire. Kwa yule anayeweza kutenda. Si nous espérons que quelque chose d'infiniment au-delà kama va se passer, fikiri, kitu kenye il faut que l'on sache qui va le faire. Nani anaweza kuitenda? Paul dit à celui qui peut faire. Paulo anaongelea yule anayeweza kutenda. Qui s'agit-il? Ni nani yule? Qui peut faire? Nani anayeweza c'est kutenda? Yahweh. C'est l'Éternel. C'est celui qu'on appelle Je suis. Dans Exode 3, verset 14, il dit à Moïse, va dire aux Anciens, celui qu'on appelle Je suis t'est apparu. Et celui qui t'envoie. Celui qu'on appelle Je suis. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui est au présent. Ni Mungu alie leo. Le Dieu qui ne conjugue pas le passé, le présent et le futur. Mungu ambaye haongelee jana, leo, le Dieu na qui est juste là. Iko hapo. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Hana mwanzo, hana mwisho. Qu'on appelle le Tout-Puissant. Anaitwa mwenye nguvu zote. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-Puissant, Créateur, Prince. Vous voyez, le Dieu Tout-Puissant. Mungu mwenye nguvu zote. À celui qui peut faire, qui? Anayeweza kutenda. Le Tout-Puissant. Ni nani yule, ni Mungu à celui qui nguvu. Peut faire, qui? Anayeweza kutenda. Nani yule? L'Ancien des jours. Wa milele wa siku. C'est-à-dire celui qui connaît les origines des choses. Anayejua mwanzo wa vitu. Il connaît tes origines. Anajua mwanzo wako. Le passé ne connaît pas. Sisi hatujue umezaliwa wapi. Même ton père ne connaît pas. Hata baba yako hajue unatokea wapi. D'expliciter tes origines. Haezi eleza. Il va citer ton grand-père, ton arrière-grand-père. Ata eleza tate wako watatu hapa. Et à la cinquième génération, il ne saura pas de quoi il s'agit. Hataweza. Et les choses qui se sont faites à la 30e génération avant lui, il ne sait pas. Hajue. Mais l'ancien des jours sait. Lakini Mungu anajua jina tate wako. L'ancien des jours connaît. Anajua tate avant que tu fiques aussi dans le sein de ta mère, l'ancien des jours connaît. Wa milele alikujua. Il sait. Anakujua. Celui qui peut faire qui? Ni nani anayeweza kutenda l'ancien des jours. Ni wa milele wa siku. Alléluia. Le Dieu incréé, Mungu asiye hakuumbwa, ce créateur, yeye ndiye aliumba vyote, qu'on appelle Elohim, anaitwa Elohim, c'est-à-dire la source de toute l'existence, chemchemu ya vyote, celui de qui proviennent toutes choses, vyote vimetokea tout kwake, ce qui existe, yote inayoonekana est venu par lui, imetokea kwake. Avant que l'univers existe, mbele ulimwengu haujaumbwa, lui il est. Yeye alikuwa yuko. Avant que le temps existe, mbele muda haujakuwa, il est. Yeye alikuwa. Je vous ai dit yuko. Dans un séminaire, je nous avons parlé de ces choses dans le passé. Hivi vitu, siku zimepita. Rappelez-vous de ça, je crois. Nous avons dit, tulisema hivi, le temps existe, muda uko, avec l'arrivée de la matière. Sababu ya vitu vinavyoweza kuguswa vilipokuwa. Lorsque Dieu a engendré la matière, wakati Mungu aliumba vitu vinavyoweza kuguswa, alors le temps a commencé. Ndipo muda umeanza. Donc, quand on dit infini, wanaposema pasipo mwisho, ça concerne le temps. Hii inaelekea muda. Donc Dieu connaît le début de l'infini. Mungu anajua mwanzo wa muda. Parce qu'il sait depuis quand il a engendré le temps. Sababu anajua tangia wakati gani alizaa muda. Si tu poses la question à l'Éternel, ukimuuliza Mungu, le moins infini, c'est où? Mbele ya mwanzo ni nini ilikuwa? Dieu va te raconter ça. Mungu atakuweza kukuelezea. Et si tu lui poses la question, na unaweza muuliza, à quand le plus infini, uko mbele, uko mwisho, uko kuna nini? Dieu va te donner des réponses. Mungu atakupa jibu. Parce qu'il est avant, sababu yeye ni l'existence. Mwanzo ya mbele ya mwanzo, et il sera après, na atakuwa hata l'univers. Vitu vitakapokuwa. Et quand il a créé le temps, alipoumba muda, alors ce qu'on appelle l'univers, ulimwengu, est là, ikatokea. L'univers c'est de la matière. Ulimwengu ni vitu vinavyoweza kuguswa. L'air c'est de la matière. Impepeo ni kitu ambacho kinaweza. L'air c'est de la matière. Ni kitu kinachoweza kuonekana au kuguswa. Alléluia. Amen. Voilà les dieux à qui tu as affaire. Ni ule Mungu ndio mwenye tuko naongea naye. Mais ce Dieu là vient à toi. Sasa ule Mungu anakuja kwako. Avec une deuxième facette. Anakuja na picha ya pili. Le cœur. Anakuja na roho. Ce Dieu est puissant. Ule Mungu mwenye nguvu. Et quand nous voulons rentrer auprès de lui pour obtenir grâce, tunapokuja mbele yake, prenons sérieusement conscience de sa tuwe puissance. Na dhamiri ya kwamba ana nguvu. Mais deuxièmement, ya pili, prenons sérieusement conscience tuwe na dhamiri de son cœur. Ya roho yake nzuri kwetu. Il a un cœur. Ana roho nzuri. Alléluia. Amen. C'est Dieu a un cœur, mon frère. Ule Mungu ana roho nzuri. Et quand je pense au cœur de Dieu, ninapofikiria roho ya Mungu, et que je comprends le cœur de Dieu, na natafuta kuelewa roho ya Mungu, ce cœur-là, c'est un cœur d'amour. Ni roho ya mapendo. Il est plein de grâce. Ni roho ya rehema. Plein de miséricorde. Ni ya huruma. Mais il punit l'iniquité. Lakini analeta malipizi. Mais aussi il pardonne. Na anahurumia. Le cœur repentant. Wale wanaotubu. Dans Ephésiens 3, 18 à 19. Daniel Ephésiens 3, 18. Il est écrit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Connaître l'amour de Christ. Vous savez, mes frères, dans la piscine de Bethesda, quand quelqu'un rentrait dedans et il contactait la présence de Dieu, il sortait en riant et en souriant. Je crois que à ce moment-là, je ne sais pas le compositeur actuel qui a composé. Waimbaji pale ndio walitosha hiyo nyimbo akisema nimeona mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana nime. Et vous voyez, hein? Tu es rentré dans la piscine. Ulijitupa ndani mwenye shida. Je vous ai expliqué hier. Jana nilipima kueleza. Quoi que ce soit que tu avais comme ulikuwa na shida gani? Et resté dedans. Et quand tu sors, ukitoka tu humo. Tu as vu la main de Dieu. Umeona mkono wa Mungu. Ti commences à vérifier. Na unaanza kujichunguza. Ti essaye. Na unaanza kujipima. Ti constate. Na unaelewa na kuvumbua ya kwamba ulishakuwa mwingine. Tu as vu la main de Dieu. Umeona mkono wa Mungu. Tu étais dans quoi? Ulikuwa ndani ya nini? Tu étais dans quelque chose. Ulikuwa ndani ya kitu. Qui a une longueur, ambacho kina mipaka, une largeur, kina urefu, une hauteur, kina undani, et une profondeur, ambao unapimwa. Tu étais dedans. Uliingia ndani. Cette chose là, hiyo kitu, se peut aussi s'exprimer comme l'amour de Dieu. Tunaweza kuieleza tu kama upendo wa Mungu. Je vous expliquer. Acha niwaeleze. L'amour, upendo, peut être exprimé comme, tunaweza kuieleza kama, la grâce en d'autres termes. Kama tena neema kwa msemo mwingine. L'amour, upendo, peut être compris comme, tunaweza kuielewa tena, la grâce en d'autres termes. Kama neema. Et la grâce, na neema, est une manifestation de l'amour. Ni kuonekana kwa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tu ne peux pas donner grâce à quelqu'un. Hauwezi kupatia mtu neema. S'il n'y a pas d'amour en toi. Kama roho yako hamuna mapendo kwa ule mtu. Et lorsque Dieu a décidé de créer, ameamua kuumba, l'opportunité de guérison dans la piscine de Bethesda, uponyaji kwa pale pa kisima ya Bethesda. En fait, Dieu a décidé de déposer son amour, alipenda kutia son cœur d'amour dans cette roho piscine. Roho yake ya upendo mahali pale wanadamu watakutana nayo. Quelqu'un pénétrait dans la piscine, mtu alishuka ndani ya kisima, il plongeait dans l'amour de Dieu, akimwangika mu upendo wa Mungu, et il sortait guéri, na alitoka mwenye kusaidiwa, parce que cet amour de Dieu, sababu ule upendo wa Mungu, permettait que Dieu décide, iliacha Mungu anaamua, de guérir, kusaidia mtu, celui qui rentre dedans, anaingia ndani. Et lorsque tu tombes dedans, unapoanguka ndani, tu sors guéri. Unatoka mwenye kupona. Tu sors mouillé. Umetoka kweli umeobana upendo. Avec l'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Tu es mouillé de l'amour de Dieu. Lobana upendo wa Mungu. Tu baignes dans la grâce. Umezama tu as neema. Contacté la grâce. Umegusa tu neema. As tapé la grâce. Umeshika neema. La grâce t'a touché. Neema ilikugusa. Que la grâce te touche acha aussi. Neema ikuguse hii jioni. Dans ce programme. Mwai mpango. Que la longueur, la largeur, undani, la hauteur, la profondeur de ce programme soit suffisamment spacieuse pour contenir tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras avec aucun problème parce que l'amour de Dieu est suffisant. Il y en a assez. La grâce de Dieu est suffisante pour avaler tous tes problèmes et même au-delà de tes problèmes et aller au-delà de tes problèmes et toucher d'autres choses que tu n'as même pas pensé, que tu n'as même pas demandé. Ce bain de l'amour va avaler ces situations. Je vais vous expliquer une chose. Dans le mariage, aussi longtemps que dans le couple, les conjoints n'ont pas compris, bibi na bwana kama hawakuelewa. C'est à d'autres termes de l'amour qu'on appelle grâce. Hii neno inayoitwa neema. Ils ont des problèmes. Hawa watu hawataishi vizuri. Aussi longtemps que mupaka siku ile tes chansons et poèmes, je t'aime, nimbo zako za nakupenda, nakupenda, nakupenda wewe ni samaki. Aussi longtemps que tes poèmes. Hiyo nyimbo zako n'ont pas porté le manteau de la grâce. Hazi bebe neema, le couple ne va nulle part. Hii ndoa haiende fasi. Lorsque l'amour, wakati upendo, n'est pas encore la grâce. Haya geuka neema. Lorsque ton amour c'est encore la loi. Wakati upendo ingali sheria, fanya hivi ndio ndakuuzia nguo. Le foyer n'ira pas. Indo haitaenda fasi. Malgré les phrases. Hata misemo mizuri mizuri namna gani? Les belles phrases. Misemo ilipangwa namna gani ya upendo? Que ta femme aime. Enye bibi yako anapenda. N'est-ce pas les mamans? Vous aimez ces phrases là. Mnapendaka hiyo maneno. Malheureusement, certains hommes vous trompent. Les phrases viennent de juste de la bouche. Ça vient pas de la piscine de la grâce. Pas suffit que vous commettez une petite faute. La même phrase qui est sortie est transformée en un coup de poing. Et tu te poses la question, mais c'est pourquoi certains papas, j'aimerais vous conseiller, mais je vais demander l'autorisation aux mamans. Mieux vaut que te récites peu de phrases d'amour vraies que trop de phrases d'amour creuses. Est-ce que vous comprenez? Les mamans, on a ces mailles. Mounataka tout pour vivre seme tout. Mounataka ya wapi? Ya kidogo au ya mingi ya récitation. Mounataka ya récitation. Récitation yo mounataka. Il y a beaucoup de chéri. C'est de la récitation. Récitation tu ya kasuku. Bwana sifiwe. Amen. La grâce Neema, c'est l'autre manifestation de l'amour. Ni kuonekana kwa upendo kwa namna nyingine. Quand tu fixes tes critères pour le mariage, tu fixes tes critères pour le mariage. Tu dis, monsieur géant, wa murefu, wa, stou, wa français à bien, mince, wa anglais à bien, qui a une calvitie, wa dollar, wa voiture, il est yacht. Tu fixes tes critères. Unaeleza binyo unapendaka. Un homme qui sait faire beaucoup de poèmes. Mwanaume mwenye anaya kusema unasikia kabisa na gusa roho. Tu fixes bien tes critères. Unatia binyo unapendaka pale. Et tu as raison. Haufanya vibaya. Afa, c'est pas un péché. Sio zambi kufanya hivyo. Et puis tu commences à appliquer tes critères. Na unaanza kuitumikia sasa. Tu appliques à Rosette. Unapima Rosette. Di Aidaki. Ah, Rosette inakatala. Anakosa hii moja. Aplika mama Ode. Unapima kwa mwingine. Anakosa mbili. Di aplika. Unapiga kwa pasta unasema ya pasta haiyakamata. Di aplika Nicole. Unapiga kwa mama Nicole unasema haiyaitika. Samashba. Et puis tu arrives quelque part, tu appliques. Unaipima hapa unasema ndio hapa. Maintenant, tu as l'impression que ça marche. Wewe unafikiri inakamata. Parce que quand tu crois que ça marche, unapofikiri imekamata, c'est pas très évident que ça marche. Sio kweli ya kwamba imekamata. Parce qu'il faut maintenant entrer en profondeur. Sasa nafaa uende uishi uichunguze. Quand tu commences à entrer en profondeur, unapoanza kuishi, tu constates que ça tient pas. Ndipo utaenda kuvumbula ya kwamba il y a seulement un tiers. Moya tu kwa ine njo nye ilikubali. Qui est vrai. Maintenant l'âge avance. Na miaka inapita. Tu dois te marier. Alors, comme c'est un tiers qui marche, tu vires celle-là aussi. Tu continues à marcher. Tu essaies avec maman Béa. Ça marche. Tu essaies, tu trouves que c'est deux quarts. Tu vires. Tant que tu n'auras pas commencé à exercer ton cœur dans le bain de la grâce, tu ne te marieras pas. Oh, les garçons, moi, ma critère yangu haiko amu. Ah, basi ule hauta olewaka. Haupendi kuolewa. Si tu aimes, kama unapenda, ton amour doit être plein de grâce. Upendo wako ni sherti upate neema. Afin cet amour doit être de la grâce. Inafai geuke neema. Parce qu'en effet, sababu gani? Les personnes sur lesquelles tu exerces tes critères, watu ambao unapima ile ambao unatakaka, eux aussi sont en train d'exercer leurs critères sur toi. Na wao wako wanakupima nabo kupimo yabo. Allô? Allô? Allô? Les critères de qui seront acceptables. Tu peux constater que celle-ci, les critères marchent. Et cette sœur-là, quand elle applique ses propres critères contre toi, il n'y a même pas un critère. Et la, toi tu as accepté la sœur, mais la sœur te vire. Et tu vas à l'intercession. Quel est le problème? C'est que toi tu appelles l'amour. C'est plutôt le rassemblage de tes critères. Quand tu as trouvé tes critères dans la personne, tu penses que tu l'aimes. Tu penses que tu l'aimes. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que bientôt, karibu hapa, tu vas te rendre compte utaenda kuvumbua qu'il n'y a rien de tout ça. Yote ilikuwa bongo. C'est comme ça que les fiançailles s'arrêtent. Pale, oh pasteur, uchumba vinaishiaka pale. Je l'avais aimé vraiment. Nilimupenda kabisa. Mais mon cœur n'y est plus. Lakini roho ishatoka kule. Kisha tokere pati u. Sasa roho ishaenda wapi? Ishaenda kwa mwingine. En fait, ton cœur, roho yako, s'est rendu compte. Ilienda kuvumbua. Que la grâce n'est pas dedans. Neema haiko ndani. Il y a des mariés ici. Levez-vous. Nye bote mushaka tous les mariés, levez-vous. Les mariés. Vous avez vous poser une question des mariés. Est-ce que et qui sont à côté de leur femme? Papa Freddy. Papa Freddy. Est-ce que vous êtes ensemble parce que Béa est parfaite? Je muko na ule mama Béa ju anakamilika. Maman Béa. Freddy. Ule Freddy wako ni malaika mwenye uko pembeni yake. Est-ce que c'est vrai? Ule ni malaika kabisa. Apana. Pourtant vous êtes ensemble. Mbona mko pamoja? Est-ce que tu l'aimes? Je unampenda? Tu l'aimes beaucoup, hein? Unampenda sana. Cet amour là. Ile upendo. C'est en d'autres termes la grâce. Ni kusema neema tu. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala. La grâce. Neema. Et donc Dieu na Mungu parle de la longueur, anaongelea de la largeur, upana, de la profondeur, undani, de la hauteur, na de l'amour de Christ. Ya upendo wa Christo, pour dire, kwa kusema hivi, il n'y a pas de vie hakuna uzima sans amour. Bila mapendo. Et il n'y a pas amour s'il n'y a pas grâce, kama hakuna neema. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pourquoi tu donnes ton fils? Unapana mwana wako wa peke que ces gens-là appliquent la loi et qu'ils respectent les consignes. Il dit, il a donné son fils. Quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apate oh Dieu, hey, Mungu. C'est si facile que ça. Je, ni rahisi hivi. Et Dieu répond, na Mungu anajibu, il dit c'est la grâce. Ni neema mumepata kwangu. Romains 5:8. Wa Roma 5, mais en ceci Dieu prouve son amour. Na hapo Mungu ametuonesha upendo. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, wenye zambi, Christ est mort pour nous. Yesu Kristo alitukufia. Seigneur, eh, Bwana Yesu, tu as donné des preuves. Umeleta alama. Et dit oui. Ndio. Quoi? J'ai livré mon fils. Nilitoa mwana wangu kwa ajili yenu. Tu as livré quoi? Ulitoa nani? Ma grâce. Neema yangu kwenu. C'est pourquoi Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Ndio maana Yesu Kristo ni neema ya Mungu. J'ai livré ma grâce. Ni neema ya Mungu kwetu. Autrement, j'ai livré mon amour. Nimewatolea upendo. Mais où est-ce qu'on va voir ton amour en question? Utaona upendo ule wapi? Et il nous dit, cherchez sur la terre quelqu'un qu'on appelle Jésus. Anasema duniani mtafute anayeitwa Yesu Kristo. Et quand nous trouvons Jésus, unapompata Yesu, nous croyons à lui, tunamwamini, et nous obtenons grâce. Tunapata neema pa macho ya Mungu. Après avoir tué autant de gens, hata kama uliua watu ngapi, tu viens à Jésus, unapokuja ndani ya Yesu, il te pardonne. Mungu anakusamehe. Il te fait grâce. Na anakufanyia neema. Dans la sorcellerie, tu as mangé autant de fœtus. Ndani ya uchawi uliua watu na watu. De fœtus. Uliua watoto mutumbu. Tu as mangé autant de fœtus. Ulikula watoto wengi. Et puis un jour tu te ressaisis. Na siku moja ukakutana na neema ya Yesu Kristo. Et tu rencontres Jésus, tu dis Jésus. Ukamwamini Yesu. Je pense que j'arrête ici. Nafikiri naachia sasa. J'ai trop mangé, je n'ai même pas rassasié. Nimekula na sikushiba. Tu es le pain de vie. Je vais te manger. Et Jésus dit, celui qui me mange aura la vie. Et ce mangeur de fœtus, quand il vient à Jésus, il constate qu'il est pardonné. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et nous les autres, les voisins de ces mangeurs, nous disons, Seigneur, là, ce n'est pas normal. Il a kidnappé autant de fois. Il a tué dans les maisons autant de fois. Non. C'est pas normal. Ça, c'est pas de l'amour, Seigneur. C'est de l'injustice. Mais Dieu dit, c'est la grâce. La grâce. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin de ce cœur de le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu. Roho ya Mungu. C'est à cause de ce cœur il est temps pour les offrandes. On va passer les paniers, on va prier en tout temps, tout à l'heure. Voilà, suffit, oui. Amen. La troisième chose auquel tu vas te souvenir, dans qui est celui sur qui nous voulons compter. Nous avons dit la puissance de Dieu. Deuxièmement, le cœur de Dieu. Et troisièmement, l'homme est au centre des préoccupations de Dieu. Les préoccupations de l'Éternel depuis le commencement tournent autour de l'homme. Il a créé l'univers pour l'homme. Vous savez que le soleil, la lune, Mars, Jupiter, toute la création, l'air, les rivières, les montagnes, les déserts, toutes ces choses qui existent ont été créées avec comme point central l'homme. C'est pour toi que Dieu a créé toutes choses. Tu es au centre de la préoccupation de Dieu. C'est pour cela que Dieu finit même par dire. Et ça, les hommes n'aiment pas. Il dit, aimez vos ennemis. Anasema mupende maadui zenu na muombe vibaya. Les hommes n'aiment pas. Hapo wanadamu hatupendi. Il m'a fait ça. Amenifanya hiki. Comment je peux prier pour lui? Comment je peux l'aimer? Parce que Dieu voudrait sababu Mungu angelipenda accorder sa grâce aussi à cette personne. Angelipenda vile amupe neema de même qu'il t'avait accordé grâce. Gizel kupa neema. Jusqu'à ce que tu es venu au salut. Dieu t'avait fait grâce. Nous sommes tous des trophées de la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu grâce de la part de Dieu. Mais maintenant, Dieu est patient. Il est écrit, il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il use de patience. Pourquoi tu patientes, Seigneur? Et nos sentiments souvent, c'est Seigneur, comme moi je suis déjà sauvé, laisse ces autres-là. Il traîne. Nous, on est déjà prêt, on peut partir aussi. Et Dieu dit, juste de patience. Je veux qu'aucun périsse. Est-ce que cela veut dire que Dieu a renoncé au jugement? Non. Ce jugement est là pour ceux qui résistent à la grâce. Qui résistent à quoi? Dites à ton voisin, ne résiste pas à la grâce de Dieu. Profite de la grâce. Profite à temps de la grâce. Car Dieu, le même Dieu dit, il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Il viendra un temps où le Dieu de la grâce va enlever la veste de la grâce, le manteau de la grâce. Il va enlever le manteau de la grâce. Il va récupérer le manteau du jugement. Et ce jour-là, il sera terrible de tomber dans la main du Tout-Puissant. Terrible. Terrible. Terrible. Alors, Dieu sasa, Mungu, t'a mis au centre de ses préoccupations pour les objectifs que voici. Le premier objectif, ta destinée de gloire. Dieu est préoccupé à ce que tu rentres dans ta destinée de gloire. Deuxièmement, Dieu est te met au centre jusqu'à ce que tu attrapes ton éternité. Troisièmement, ton bien-être terrestre. Il te veut du bien sur la terre. Beaucoup d'hommes et de prédicateurs ont prêché. Et ils ont dit, oubliez les choses de la terre là. Jésus va venir bientôt. Yes, sasa préparons-nous à rencontrer Dieu. Et certains, ils ont dit, na wengine wakasema, pasteur, on veut aller au travail. Il dit, laissez ces choses de travail. Venez à la prière. Mukuje tushinde mumaombi, tulale mumaombi. Et puis à la prière, na ndani ya maombi, les enfants sont morts de faim à la maison. Wengine watoto wanakosa kuenda kumasomo na wengine wanakufa njaa nyumbani. Dieu est préoccupé de notre bien-être terrestre. Un bon mariage. Un bon repas. Un bon accoutrement. Une bonne habitation. Est-ce que c'est un péché? Un bon compte à banque. Est-ce que Dieu peut être préoccupé de ça? Dieu est concerné Mungu anahusika par l'homme na mwanadamu. Il est concerné par ton bien-être. Anahusika na kuwa kwako vizuri hapa. Quatrièmement, il est concerné par ton bien-être spirituel. Na anahusika na kuwa kwako vizuri rohoni. Ton salut, wokovu wako, ta croissance spirituelle, kukoma kwako kiroho, tes relations avec les autres, ushirika wako na wengine, ta connaissance de Dieu, kumujua kwako Mungu, ton intégration dans la famille de Dieu. Kujiingiza mujamaa, il est préoccupé, il veut que tu rentres. Anataka uwe vizuri hivyo. Il est aussi préoccupé na anahusika vile par ton intégration dans sa famille. Na anataka uingie mujamaa yake. Alors quand l'homme ne sera plus sur la terre, wakati mutu atakuwa ametoka kudunia, Dieu va virer la terre. Mungu la Bible dit il va plier la terre comme un linge kama mukeka, et il va jeter na ataichoma kwa moto. Il va jeter cette terre là dans Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 12. Il est écrit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Plus de place pour les cieux et la terre, parce qu'il n'y avait plus d'hommes sur la terre. Quand l'homme n'est plus sur la terre, wakati mutu hayuko tena duniani, cette terre ne sert plus à Dieu. Hii dunia itakuwa haina kazi parce que tena. Dieu l'a implanté pour l'homme. Sababu Mungu aliumba dunia juu itukamate itupokee. Mais à ce moment-là, l'homme est où? Mutu atakuwa ameenda wapi? Les uns sont partis. Wamoja watakuwa wameenda dans le ciel avec Jésus, ils sont dans le bien-être. Yesu Christo, et les autres na wengine qui sont restés d'être ramassé pour aller au jugement de Dieu devant les trônes blancs. Et cette terre qui n'a plus personne, elle fut jetée. Frère, est-ce que tu te rends compte de ton importance? Nous sommes si importants devant Dieu. Nous sommes si précieux devant Dieu. Tu as de la valeur. Et Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as du prix à mes yeux. Demande le voisin, as-tu du prix? Est-ce par l'autre que ça te concerne? Est-ce que tu as du prix devant Dieu? Je crois que quelqu'un devait faire ça et dire, j'ai du prix aux yeux de l'État. Una bei kushinda diama zako, kushinda gari yako, kushinda avion. Amen. Amen. Amen. J'ai du prix aux yeux de na bei machoni pa Mungu. J'aimerais que quelqu'un se lève et commence. Nataka mtu asimame na anze kumshukuru Mungu. À celui qui peut faire. Kwa yule anayeweza kutenda. Qui peut faire? Nani yule? L'Éternel. Ni wa milele. Le Dieu tout-puissant. Mungu mwenye nguvu. Celui qui nous aime. Yule anayetupenda. Celui qui nous met au centre de ses préoccupations. Il peut faire. Angali anaweza kutenda. Et la première chose qu'il fait, ya kwanza anayotenda. Il peut faire grâce. Anaweza kutufanyizia neema. Il fait grâce. Anapanaka neema. Il fait grâce. Anapanaka à celui qui peut faire grâce. Anayeweza kutupa neema. Nous pouvons l'adorer. Tunaweza kumwabudu. Et nous exprimer devant son trône. Na kujieleza mbele zake. Il peut faire grâce. Il peut faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire. Tu peux faire grâce. À celui qui peut. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur. Si tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Chante avec la chorale. Tu peux faire grâce.